scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castor, l'émission de Paul Sarrès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1964, quatrième émission. En 1964, Gilles Deleuze publie son essai « Proust et les cygnes ». Le deuxième film de Bernardo Bertolucci, « Prima della Revoluzione », passe à Cannes. Il ne sortira en France que 4 ans plus tard. Harpo Marx, Ian Fleming et Peter Lorre meurent, comme tant d'autres. À la toute fin de l'année 1964, alors que l'été précédent il faisait chaud, à la toute fin de l'année 1964 donc, stupeur, la France frissonne. En attendant, tous les Français ont froid. Lucien Biraud, il neige un peu partout en France. Voici quelques températures qui se passent de commentaires. Moins 17 à Lille, moins 10 à Paris. En revanche, il fait plus 5 à Bastia, plus 4 à Nice et plus 9 à Alger. Mais ces régions sont évidemment privilégiées. Il n'en est pas de même dans le centre de la France. La neige tombe sans interruption dans la Lozère, 26 cm à Mende, mais cela n'est rien à côté de 40 à 50 cm de neige dans tout le sud de la Lozère. Mais dans le fond, cela est normal. Ces régions ne sont en général pas favorisées par l'hiver. En revanche, en Touraine, où la douceur de la température est légendaire cette année, cette région s'aligne sur les autres. Écoutez d'ailleurs ce que nous dit notre correspondant Michel Lepron, les Tourangeaux vraiment ne s'en remettent pas. Eh bien non, nous ne sommes pas habitués à une telle température dans le Val-de-Loire, qui a la réputation de posséder un climat dont la douceur est légendaire. Le froid va en s'accentuant et c'est ainsi que ce matin, à la station météorologique de Tours-Saint-Symphorien, on relevait les températures de moins 18 degrés 5 dixièmes sous abri et moins 21 degrés au thermomètre fixé à 10 cm du sol. Oui, je dis bien moins 21 degrés. La neige ne fond pas et le pire, c'est que les prévisions nous annoncent de nouvelles chutes pour la nuit prochaine et aussi la journée de demain. Eh bien, nous sommes allés faire un tour, non loin de la Loire, à la bibliothèque municipale, où nous rencontrons Monsieur Fillet. Monsieur Fillet, vous êtes bibliothécaire, et vous avez sous vos yeux un paysage très joli d'ailleurs, et inaccoutumé. Évidemment, c'est un paysage magnifique, mais si j'ai vu cet été la Loire avec des bancs de sable, je la vois cet hiver avec de très nombreux glaçons. À vrai dire, je ne suis pas un très vieux Tourangeau, 11 ans seulement, mais mon premier contact avec la Touraine a été marqué aussi par ce spectacle de la Loire gelée, mais vraiment gelée au monté dessus, en 1954. Mais puis vous disiez tout à l'heure, si ça continue, je crois que nous allons la voir complètement bloquée de bord à bord. Bien, je nous donne en effet une semaine de ce froid pour la voir effectivement bloquée et voir peut-être le même spectacle qu'il y a 3 ans, c'est-à-dire quelques farfelus grimpés sur une de chevaux traversant la Loire sur la glace. Un détail particulier, on casse la glace en bordure de la Loire pour dégager une petite barque. Nous allons quitter le lieu où nous sommes, c'est-à-dire le balcon de la bibliothèque où il ne fait vraiment pas très chaud. Bire qui fait froid. À vous Paris. Vous disiez tout à l'heure, Armand Chazel, que toute la France était atteinte par le froid. Mais il faut mettre à part certaines régions, certains points très privilégiés du sud où se dirigent d'ailleurs tous les canards. Et donc, 4 mois plus tôt, il faisait chaud. Incroyable également. Et quand il fait chaud, les journalistes se muent en sociologues, puis s'amusent à tendre le micro sur les trottoirs au hasard des rencontres. Au micro, Roland Mel. 91, 59, 92, 59 kilos, 1m70. Tel est l'important et sibyllin message que nous ont fait parvenir ce matin les agences de presse, décimées par un week-end amollissant et par une torpeur estivale. Ces chiffres n'ont rien de cabalistique, ce sont les mensurations de Miss Corse, qui vient à Tunis de gagner de haute lutte, 1m70, le titre de Miss Méditerranée, avec pour dauphine Miss Liban et Miss Espagne. Donc l'île de beauté et la beauté de l'île règnent maintenant sur toute la Méditerranée. Ce n'est que justice, n'est-ce pas Michel Enfrol, Corse par alliance? Oui, encore que n'est-ce pas le nom de l'heureuse lauréate Monique Lemaire prête à discussion. C'est presque aussi corse que vous, Roland Melli. Mais à propos de Corse, je crois qu'il serait juste juste de rappeler que c'était hier, 15 août, l'anniversaire de la naissance de Napoléon, et que je crois qu'en tant que fidèle de l'empereur, nous aurions dû célébrer... Je vous en prie, pas de politique, nous y viendrons tout à l'heure. Mais maintenant que nous connaissons les caractéristiques idéales de la femme 1964, rappelez-vous mesdames, 91, 59, 92, 59 kilos, 1m70. Et encore, il faudrait bien se surveiller, hein. Pourquoi ? Bah, vous savez, quand même 59 kilos, c'est peut-être un peu... Oh, alors, vous en êtes resté à la Vénus de Milo. Il est vrai qu'elle est plus lourde. Bon, maintenant que nous connaissons la femme, essayons de brosser un portrait du français moyen. En effet, l'Institut français d'opinion publique et le Centre de recherche sur la consommation nous apportent quelques précisions, quelques touches supplémentaires au portrait idéal du français moyen. Personnage qui nous a toujours intéressés et dont on ne parlera jamais assez. Mais d'ailleurs, le français moyen, je me demande pourquoi on parle toujours du français moyen et jamais de la française moyenne. Enfin, ça, c'est une question que je pose comme ça au hasard. Pour les étrangers, par exemple, le français moyen porte un béret et travaille comme garçon coiffeur. Il ne connaît pas la géographie, c'est bien connu. C'est peut-être encore vrai en ce qui concerne le béret, parce que j'ai aperçu tout à l'heure encore Victor Azaria, le chef vêtu de ce couvre-chef fameux. Mais en ce qui concerne la géographie, eh bien, c'est faux maintenant. Le français moyen s'intéresse à la politique étrangère, ce qui prouve qu'il commence à avoir quelques notions de géographie. Il paraît même, selon l'Institut d'opinion publique, que le français moyen s'intéresse autant à la politique étrangère qu'au salaire et au prix. Exact. Et 40% des Français s'estiment satisfaits de la politique étrangère de la France, alors qu'en matière de salaire et de prix, il serait plus difficile de trouver un tel pourcentage de gens satisfaits. 53% des Français ont une bonne opinion de l'Allemagne, ce qui marque un net progrès sur 1956, où 12% seulement des Français étaient favorables à un rapprochement avec Bonn. J'ai bien dit 1956. Oui, et non pas 1940. Les Anglais, en revanche, sont un peu moins populaires. On n'en est pas encore revenu à l'époque de la perfide Albion, mais c'est tout juste. Les Russes, eux, connaissent chez nous autant d'adversaires que de partisans, mais les Américains demeurent les plus populaires. Grâce au prestige du président Kennedy, la majorité des Français considèrent les États-Unis comme le meilleur allié de la France, un peu envahissant peut-être, surtout dans le domaine économique, mais sympathique quand même. Mais dites-moi Michel Enfant, on dirait que vous avez maigri ces derniers temps, c'est pourtant pas le travail. Bah non, ces derniers jours surtout, encore que je passe pour un mauvais français moyen, car si j'étais un bon français moyen, je serais en ce moment en vacances, au mois d'août bien sûr, et en Espagne de préférence, au milieu de 7 millions de Français entassés les uns sur les autres. Non, si j'ai maigri, tout comme vous je crois, c'est que je ne consacre plus que 39% de mes revenus pour m'alimenter, au lieu de 50% comme autrefois. Mais vous-même, Roland Mel, ces chaussures neuves, à quoi est-ce dû ? Eh bien au fait que le français dépense pour s'habiller 7% de plus que les années précédentes. Et alors savez-vous que le français va en moyenne 3,5 fois par an chez un médecin pour se faire soigner ? Ce qui doit être gênant lorsqu'on en arrive à la dernière demi-fois, la consultation ne doit pas être très sérieuse. Bien, après ces informations politiques et internationales, reprenons le cours de notre enquête que nous avons commencé au début de ce journal. Toujours à la recherche de personnages intéressant l'équipe de sociologues d'Interactualité, composée notamment de Philippe Arroir et Tommy Franklin, cette équipe a parcouru ce matin les rues de Paris. C'est tout d'abord Philippe Arroir qui s'est mis en quête d'individus pittoresques. Et sa première rencontre a eu lieu au pied d'un édifice de 300 et quelques mètres de haut, entre le Champ de Mars et la Seine, je pense que vous m'avez compris. Madame, pour vous la Tour Eiffel, qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, la Tour Eiffel, ça représente la Grande Dame de Paris, monsieur. On vient du monde entier la voir. Mais je crois que ça représente d'autres choses sur le plan professionnel, non ? Alors, évidemment, qu'est-ce que vous voulez, ça rapporte ? Hein ? Sinon, on ne viendrait pas. Sinon, il n'y aurait pas des actionnaires. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a toute la galerie des suicidés. C'est un commerce, le suicide. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas un commerce? C'est une sorte d'aimant qui les attire, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça. Vous en vendez beaucoup de tours Eiffel dans l'année comme ça? Oui, évidemment, je les calcule pas, vous savez, mais enfin on en vend bien. Et vous êtes toute la journée ici, vacances et... Vacances, dimanche et jour de fête, monsieur. Quand il pleut, quand il tombe de la neige, et tout le temps, et tout le temps. Sauf vraiment quand il fait vraiment, vraiment trop froid, alors là, on se paye un peu la Côte d'Azur. Bien, reprenant sa course à travers Paris, notre reporter s'est arrêté à Saint-Germain-des-Prés à la vue d'un homme en train de jeter du blé au petit moineau. Non, ce n'était pas Jean-Paul Sartre. Ça a beaucoup changé, vous savez, oui. Depuis 1910. En 1910, il y avait les étudiants, tous les mois, ils allaient manger une prune. C'est pas le Paris d'autrefois, vous savez. Ah, vous le regrettez, ce Paris-là, hein? Oh, je n'ai rien à regretter. J'ai 84 ans, oui. Je n'ai plus rien à regretter, mais enfin, c'est mon blé. Voilà. C'est mes pigeons, depuis que je ne peux plus rien faire. Vous avez Guillaume Apollinaire qui est à côté. Ah, un dégoûtant, s'il y en a un sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont mis de mettre une ordure pareille, là? Moi, j'appelle ça une ordure, comme beaucoup qui font maintenant. Sa figure humaine, ça? Ben oui, mais enfin, c'est un grand artiste. Pour vous, c'est un grand artiste, pour moi, c'est un gadouilleux, puis c'est tout. Bien sûr, nous laissons à cette personne le soin de prendre la responsabilité de ses opinions. Mais voici maintenant Tommy Franklin, sociologue, bien sûr, mais aussi musicologue éminent, à la recherche d'une race, en voie de disparition. En ce mois d'août, où les rues sont plus ou moins désertes, le chanteur de rue, le vieux chanteur de rue qu'on trouvait dans divers quartiers de Paris, semble s'être perdu. Mais par contre, il y a des chanteurs de rue étrangers, et mon Dieu, les sous tombent ici, on peut dire, dans cette rue du 7e arrondissement. Et ici, il s'agit de chanteurs de rue hollandais. J'attendrai toujours ton retour, j'attendrai. Lui joue de la guitare et chante, et elle l'accompagne au banjo. Dites donc, ça ne nous rajeunit pas, hein? Dans la nuit. Vous connaissez les paroles, monsieur? Oui. Ah, c'est court. Mais dites-moi, vous trouvez pas que ça se perd, le chanteur de rue à Paris? Pas beaucoup. Ah, si, beaucoup. Regardez-moi ça, on est obligé d'écouter les chanteurs de rue étrangers. Étrangers, mais une très belle diction française, malgré tout. Et une interprétation fine. Très fine. Eh bien, comme vous voyez, on s'amuse dans les rues de Paris, même pendant un week-end du 15 août. La nouvelle vague, pour différentes raisons, économiques entre autres, a beaucoup tourné dans les rues de Paris. Mais en cette année 1964, alors que Jean-Luc Godard est obligé de changer le titre de son dernier film « La femme mariée » en « Une femme mariée », nuance, qui est encore nouvelle vague et qui ne l'est plus, la question ne sera pas posée directement à François Truffaut, mais on devine que son nouveau film a quelque peu déçu la critique. Cinéma Vérité. Une émission de Roger Régent avec la collaboration de Jacqueline Adler. La présentation en public du nouveau film de François Truffaut, La peau douce, constitue l'événement cinématographique parisien de la semaine. François Truffaut, comment situez-vous La peau douce dans l'ensemble de votre œuvre cinématographique? J'ai fait 4 films, donc Les 400 coups, Tiré sur pianiste, Jules et Jim et La peau douce. Et je crois que La peau douce ressemblerait plutôt aux 400 coups, c'est-à-dire que C'est une chose entièrement réaliste et très linéaire par rapport aux deux autres, Pianiste et Julie Jim, qui sont un petit peu littéraires, qui sont un petit peu fantastiques. Tout de même, dans la forme surtout, on ne retrouve pas dans La peau douce cette volonté de choc, ce désir que vous aviez de foncer un peu sur le spectateur qu'on trouvait dans Les 400 coups. Je ne suis pas certain de cela. Vous savez, si on veut bien se reporter en 59, quand Les 400 coups sont sortis, évidemment, ils ont eu assez vite un certain succès critique et public, mais quand même, pas mal de gens ont dit « C'est curieux que ce jeune homme qui était un critique tellement violent fasse un film aussi sage et aussi paisible ». La violence des 400 coups était tout à fait contenue, je crois. Alors, elle apparaissait à certains, et à d'autres, elle n'apparaissait pas. Et je crois que je retrouve le même phénomène avec La peau douce. Vous me parlez d'une chose assagie, et j'ai quand même vu des femmes sortir complètement bouleversées. Je crois qu'il y a le même principe dans les deux films de partir d'une situation extraordinairement simple, avec des personnages simples, et de les mettre dans une sorte d'engrenage qui se resserre, qui se resserre, qui se resserre. Alors si on se trouve concerné par le sujet, je crois que ça peut frapper très fort. Mais on peut aussi rester en dehors du sujet. Comme beaucoup de gens, par exemple, indifférents aux problèmes de l'enfance, se sont ennuyés aux 400 coups, c'est arrivé. Absolument. Nous sommes partis, en réalité, de plusieurs choses réelles. Tout le final du film est inspiré par un fait divers du mois de juin dernier, l'histoire de crime passionnel qui s'est terminée tragiquement dans un restaurant. Et pour le reste, c'est-à-dire le personnage de Jean de Sailly, qu'on voit quand même 2 heures sur l'écran, je crois qu'il a à peu près 400 gros plans dans le film, eh bien là, nous sommes inspirés très franchement de l'histoire de Pierre Jacquou, qui m'a personnellement beaucoup passionné. J'ai lu le livre que Jean Duché a écrit sur lui après le procès, j'ai lu le livre de Linda Beau, Ma vérité, et j'ai trouvé qu'il y avait là un personnage extraordinaire à montrer et inédit à l'écran, c'est-à-dire un grand bourgeois, soucieux de sauver les apparences, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que La peau douce, si vous voulez, est un film bourgeois, parce que c'est un film sur la bourgeoisie. C'est un film critique, donc je ne pense pas que nous soyons tombés dans le travers d'un film bourgeois, puisque nous faisons le portrait d'un bourgeois. Mais ce qui m'a ému chez Jacquou et que j'ai voulu montrer dans le film, c'est que l'hypocrisie peut être non pas une vertu, mais quelque chose de très pathétique. Et nous avons sur l'écran un personnage qui patauge lamentablement dans l'adultère, qui ne sait pas s'y prendre, et c'est cette maladresse que j'ai trouvée émouvante. Et l'hypocrisie chez lui, je crois, est liée à une immense pureté. C'est ce qui m'a intéressé à montrer, de montrer un homme très mal à l'aise dans l'adultère. Je vais maintenant vous poser, pour finir, une question difficile. S'il vous est possible de vous extraire suffisamment de cette œuvre qui est tout de même très récente, je voudrais vous demander ce que le critique François Truffaut écrirait sur La peau douce aujourd'hui. En effet, certains ont dit au moment de Cannes, François Truffaut, qui a été un critique tellement violent, ferait un éreintement terrible de ce film. Eh bien, c'est absolument faux. Je crois que, comme critique, j'aimerais beaucoup plus mes films, et également celui-là, que je ne les aime les ayant faits. C'est-à-dire que, comme critique, je n'en verrais pas absolument tous les défauts, ou du moins pas une première et deuxième vision. Alors, ces films, et La peau douce également, sont pleins d'un matériel que j'adore, de choses que je rêve de filmer depuis des années. Ça fait des années que je rêve de filmer un homme et une femme dans un ascenseur qui s'observent, par exemple. Donc je serais évidemment fou de joie de voir ça sur un écran. Et si je trouve des défauts, c'est parce que j'ai monté le film, je l'ai tourné, je l'ai vu 25 fois. Alors, les défauts de La peau douce, je crois que je les vois assez bien. Il me semble que ce sont surtout des défauts par rapport au personnage. Je crois que le personnage de la femme, qui est assez réussi pour la sensualité, n'est pas assez réussi sur le plan intellectuel. C'est-à-dire qu'il aurait fallu la montrer plus intelligente et probablement avec plus d'humour, de façon à montrer une complicité avec le mari et à montrer qu'il perdait davantage en se séparant d'elle, ça je crois. Et le personnage de Jean de Sailly, je crois que j'ai raté certains aspects qui sont surtout ceux de son travail. Nous avons tellement hésité entre un personnage qui fait des conférences littéraires à la télévision, un homme qui fait des conférences en province. Nous avons pensé à trop de personnages et il y a beaucoup de problèmes dans cette affaire qui n'ont pas été résolus. Par exemple, une des critiques vraies qu'on m'a faite, c'est qu'il y avait un contraste entre son train de vie luxueux et la petite revue moderne modeste, sous les toits où on ne trouvait personne et rien au mur. Alors là, je crois qu'effectivement, il y a des problèmes qui auraient dû être résolus et que le pathétique de cet homme complètement pataugeant justement dans l'adultère aurait été plus fort si on l'avait montré extrêmement compétent dans son travail. Je crois qu'il aurait dû être très brillant dans l'histoire de la conférence de Reims et très brillant dans les rares scènes de bureau à Paris. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit tu m'apparais immense, je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, je deviens fou, je deviens fou. Et puis ton rire fend le noir, et je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, tu m'appelles pour me larguer. Mais chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. La nuit. Le couple en 1964. Bien sûr, pour voir le couple de 1964, il faut visionner les films de l'année. Toutes sortes de couples apparaissent au cinéma. Dans Les Parapluies de Cherbourg, Palme d'Or à Cannes, dans The Servant, dans Gertrude, comme dans My Fair Lady, ou dans Les Amitiés Particulières, comme dans Bande à Part, ou dans L'Homme de Rio, comme dans etc., etc. Mais à propos d'hommes, y a-t-il encore des hommes ? Page littéraire, Claudine Chonnaise. Y a-t-il encore des hommes ? Par Françoise Daubonne, aux éditions Flammarion. Je dirais tout de suite de ce livre très riche et que j'ai beaucoup apprécié que je n'en aime pas toujours le style, quelquefois un petit peu trop facile. Je n'aime pas, par exemple, que Françoise Daubonne dise à un talentueux confrère, ciel, erreur camarade. Mais le ton dans la seconde moitié s'élève très vite et finalement la querelle que je lui fais est secondaire. Je contesterai aussi le titre. En effet, il semble, c'est encore semble indiquer, que naguère il y avait des hommes. Or, la virilité des hommes de naguère était avant tout despotique dans la famille et guerrière. Aujourd'hui, elle est encore parfois un peu guerrière, voire les parachutistes, mais plutôt dans la famille, l'homme est prêt plutôt à se défiler qu'à commander, si je peux dire. Il faudrait donc remonter jusqu'à Platon, c'est d'ailleurs ce que dit Françoise Daubonne et au mythe de l'androgyne, pour trouver l'homme complet. Donc, disons plutôt, quand y aura-t-il enfin des hommes complets ? Je ne puis tout indiquer dans ce livre si riche, mais ceci par exemple, l'expérience, l'importance terrible qu'ont les femmes avec les courriers du cœur, qui toujours prennent la défense des hommes tout en feignant d'être modernes, qui défendent la soumission et la chasteté, en tout cas hors mariage, pas dedans bien sûr, et d'accord aussi avec ce lauréat des hôpitaux qui écrivait, lui, qu'il est naturel que l'époux préfère une chair prometteuse à une machine à penser, comme si les deux s'opposaient forcément. On ne peut donner tort à Françoise Daubonne quand elle pense que le véritable homme viril n'est pas le mâle capable d'un certain genre d'exploit, mais simplement celui si rare qui a de la force d'âme. y a-t-il des hommes ? Dans le domaine de l'amour, de l'érotisme, elle constate, tout comme Suzanne Lillard, et malgré des critiques de détail du beau livre de Madame Lillard, Le couple, que si la femme la plus humble a le don de l'amour totalement généreux et durable, ce don n'existe guère actuellement que chez les hommes supérieurs, par exemple Aragon avec Elsa, qui n'est d'ailleurs admis que chez les poètes et rend rapidement ridicule la plupart des hommes moyens. Quand donc Animus et Anima se rejoindront-ils ? Quand donc ? Alors pourtant que cela existe déjà, mais seulement chez les personnalités très riches, toujours quelque peu androgynes. Françoise Daubonne pense que l'homme doit tendre à plus de fixité, donc, et la femme, au contraire, à plus de liberté pour se rejoindre. Conclusion logique et juste dont on est encore si loin. Cela, je crois, tant que la femme éprouvera une telle douleur à voir cesser l'amour qu'elle vit. C'est pourquoi Françoise Daubonne nous dit que tant que le vrai couple n'existe pas, ou existe si rarement, il faudrait que la femme apprenne à s'en passer, à être d'abord elle-même. Or, aujourd'hui encore, une femme prête à vivre d'abord pour soi est, dit-elle, presque aussi rare qu'un homme prête à vivre pour une femme. Formule trop vraie, que doit changer la femme moderne dans sa légitime quête du bonheur, nullement incompatible avec la générosité. C'est ainsi, dit Françoise Daubonne, qu'on assassine peut-être une future Colette, une Madame Curie, une Rosa Luxembourg. La femme a ici certainement un peu de responsabilité. Elle se défend mal dans ce domaine. Mais comment, en cette époque de transition si difficile, où elle était reintée, où tout la combat et rien la soutient, comment en serait-il autrement ? Comment n'aurait-elle pas tendance à revenir à l'antique esclavage ? La conclusion ? Elle est la même chez un médecin comme le fameux docteur Steckel. Je vous renvoie à la citation, très belle, mais trop longue pour ce bref aperçu, page 169. Chez un autre médecin, le professeur Lhermitte, appartient au sexe masculin ou féminin un individu chez qui ce sexe prévaut, rien de plus. Et enfin et surtout, je laisse la conclusion à un poète comme Rainer Maria Rilke, qui a écrit simplement « Lorsque l'homme et la femme, libérés de leur erreur, cesseront de se rechercher comme des contraires. » C'était les années 60, 1964, quatrième émission. Qu'avait-on lu en 1964 ? Quel roman avait-il reçu un prix ? Quelle critique s'était-il ennuyé ? Et se sentait-il libre d'apprécier ou de ne pas apprécier les récents nouveaux romans ? Réponse, au pluriel, dans la Tribune des critiques du 27 décembre 1964, et réponse, pour chacun d'entre nous peut-être, sur les rayonnages des bibliothèques familiales, dans le meilleur des cas, quand ces livres n'ont pas atterri au grenier, à demi rongés par le temps. La Tribune des critiques, magazine littéraire, artistique et dramatique. Avec François Nourricier, Roger Vrigny, André Bourin, Martine Cadieux, Pierre-Henri Simon, Roger Grenier et Luc Estan, Pierre Barbier présente la Tribune des critiques. Aujourd'hui, bilan de l'activité romanesque en 1964. Réalisation Pierre Barbier. Bilan de l'activité romanesque de l'année 1964. Je crains que le sous-titre de notre émission d'aujourd'hui ne soit un peu trompeur et que, mon Dieu, il laisse un certain nombre de nos auditeurs sur leur faim. Ce n'est pas tout à fait notre faute. Imaginez en effet la tâche du critique littéraire, donc des critiques réunis autour de cette table. Bon an, mal an, chacun reçoit à peu près 1200 ou 1500 livres par saison, ce qui fait une moyenne de 4 livres environ par jour, 4 livres à dépouiller ou à lire. Certes, ils vous diront quels livres leur paraissent devoir retenir l'attention, mais dès le début de la discussion, seul problème des critères sur lesquels se fondent leurs différents jugements personnels qui les retiendra. Disons même que c'est ce problème qui a été mis en question, en discussion, discussion parfois assez véhémente, qui d'ailleurs devait être livré au public. Car si nous n'avons pas craint, quelquefois, de consacrer cette tribune à la critique des critiques, il était juste que ceux-ci puissent à leur tour aussi s'expliquer sur les difficultés que comporte leur métier et difficultés qui sont trop souvent ignorées du public. Première question, messieurs. Comme on dit « telle année est une année de bon vin », peut-on dire que cette année 64, en ce qui concerne le roman, est une bonne année ? Pierre-Henri Simon. Il est assez difficile de répondre. Quand on doit lire un grand nombre de romans, au bout d'un certain temps, il se produit dans la mémoire certaines brumes, d'où il est difficile de voir émerger les lumières. Mais enfin, mon impression, dans ce sens subjectif, n'est-ce pas ? Mon impression, c'est que cette année a été, dans l'ensemble, meilleure que l'année précédente. Je veux dire qu'on a vu paraître un nombre assez considérable de romans honorables, de bons romans. Je ne dis pas que de grands chefs-d'œuvre émergent, mais enfin, il y a une meilleure moyenne. Une meilleure moyenne que l'an dernier ? Il me semble. Est-ce que c'est votre avis, Roger Grenier ? Oui, mais enfin, moi je trouve que la moyenne n'est pas intéressante. Enfin, si tout le monde est capable de faire un bon roman, ça vient des bienfaits de l'instruction publique. Ce qui est intéressant, ce sont les chefs-d'œuvre. Alors, est-ce qu'il y a eu des chefs-d'œuvre ? Il y a eu Le Fou d'Elsa, qui n'est pas un roman, ça déborde un peu, évidemment. Il y a eu aussi Les Mots de Sartre, qui est un très grand livre. Alors, évidemment, dès le départ, nous sommes obligés de dire... De limiter. Que nous allons dépasser un peu le cadre que nous nous étions assignés. Mais enfin, ça ne fait rien. Qu'est-ce que vous en pensez, François Nourricier ? Il me semble qu'on pourrait prudemment, pour le début de la conversation, en revenir au roman, et en revenir même de façon extrêmement classique, en regardant le bilan que constituent les prix. Et là, nous constatons que sur 5 grands prix, 2 ont été décernés cette année à des livres, ce que vous appeliez, Pierre-Henri Simon, du nouveau style, enfin des livres qui se veulent d'avant-garde. Alors, les 2/5 du bilan, c'est déjà important. On pourrait se demander ce que ça signifie. Je ne crois pas que ça corresponde du tout, d'ailleurs, à la moyenne et à un visage exact de l'édition. Il est d'autant plus amusant, je crois, de remarquer que les 3 autres prix sont décernés à des livres que l'on pourrait, pour employer une terminologie politique, qualifier d'assez réactionnaires quant à leur esthétique. Incontestablement. Parce que Conchon, Blanza et Fallet sont vraiment des livres d'hier, peut-être de toujours, moi je dirais plutôt d'avant-hier. Mais pour revenir à cette question du nouveau style, il me semble que, d'abord, nous n'avons pas vu paraître au cours de cette année un grand nombre d'ouvrages pour beaucoup caractériser ce nouveau style dans le roman. Donc, la proportion que vous signaliez, François Nourricier, est assez... Elle n'en est que plus fausse, sauf si les romans couronnés, comme disait Roger Grenier tout à l'heure, sont des chefs-d'œuvre, car nous ne pensons pas sur le plan de la quantité, mais sur le plan de la qualité, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est une autre affaire. Mais enfin, je constate d'abord qu'il n'y a pas eu un très grand nombre d'ouvrages. Il y en a eu un qui d'ailleurs n'est pas un roman, mais que j'ai lu avec plaisir, c'est La Conversation de Claude Mauriac. C'est ça, qui est une manière de dialogue radiophonique plutôt qu'autre chose. Oui. Roger Grenier. Je trouve très intéressant, Pierre-Henri Simon, que vous employiez l'expression « nouveau style » et pas « nouveau roman ». Ce qui prouve qu'on ne peut pas classer les 2 livres qui ont eu des prix, Jean-Pierre Faye et Le Poponax de Monique Wittig, dans la catégorie nouveau roman. Monique Wittig, encore peut-être, je veux bien, puisqu'elle paraît sous les couleurs des éditions de Minuit, mais Faye serait plutôt à rattacher au groupe tel quel. Oui, c'est justement pour la raison pour laquelle je préfère cette expression nouveau style. Il y a une nouvelle critique qui est aussi du nouveau style, n'est-ce pas ? Et puis l'expression nouveau roman est tout de même bien usée maintenant. On l'a tellement employée depuis quelques années, sans avoir le chef-d'œuvre qu'on attendait, qu'on peut peut-être maintenant la mettre tout de même dans la réserve aux accessoires. François Nourricier. Ouais, il me semble, si l'on pense au mal que l'on a à comprendre la vie politique en France depuis longtemps, et qu'on applique ce mal, si j'ose dire, à la littérature, il y a toujours le parti de l'immobilisme et le parti du mouvement. Alors la question qui se pose devant les adeptes d'un nouveau style, c'est de savoir s'ils sont vraiment un parti du mouvement, en face de l'autre qui est sans doute vraiment un parti de l'immobilisme. Moi, ce qui me frappe, c'est que en musique ou en peinture ou en sculpture, quand on va voir ou quand on va écouter ce que font des gens d'avant-garde, on a en effet l'impression qu'il y a une provocation ou qu'il y a un humour ou qu'il y a une sorte d'éclat de rire qui, depuis assez longtemps, sont en effet la façon dont apparaissent dans leur jeunesse des œuvres nouvelles. Alors qu'avec le nouveau style en littérature depuis 10 ans, on ne voit ni provocation, ni humour, et je dirais même ni mouvement. On est plutôt dans le gris et dans quelque chose d'immobile et d'assez ennuyeux. C'est peut-être ça, au fond, qui crée ce malaise. On dit d'une part c'est l'avant-garde, et d'autre part, on constate que c'est immobile. Pierre-Henri Simon. Vous le trouvez très sévère. Je trouve tout de même un peu sévère. Je crois qu'en étant sévère, nous ne faisons qu'exprimer notre sentiment réel de lecteur. Au prix de grands efforts, nous arrivons à terminer certains des livres dont nous parlons ensuite, dont nous parlons avec mauvaise conscience, puis comme on nous donne un peu le fouet, nous essayons d'en parler avec une meilleure conscience. Mais au fond, en tant que lecteur, nous sommes comme tous les lecteurs de France et de Navarre, nous n'aimons pas ça. François Nourricier, moi, les questions de conscience dans la littérature, je m'en moque. Je veux dire que ce n'est pas une question de morale, c'est une question de plaisir. J'avais toujours envisagé la lecture, surtout quand j'étais jeune et que j'aimais la littérature, car maintenant que je le suis moins, je peux bien dire que j'aime moins la littérature. Je l'avais donc toujours envisagé comme un plaisir. Il y a un livre qui m'a particulièrement plu cette année, qui n'est pas à notre ordre du jour, puisque c'est un livre de lecture, c'est un livre de José Cabanis qui s'appelle « Plaisir et lecture ». C'est peut-être la meilleure journée de lecture que j'ai passée de toute mon année. Je précise bien de toute mon année. Je serai assez d'accord avec vous. Car pour moi, maintenant, c'est quelque chose, c'est une besogne de bagnard qui s'impose à moi quand je vois ces montagnes de livres qui sont des montagnes d'ennui. Et quand j'avais ce que je croyais être une vocation qui était la littérature, je croyais que la vocation, c'est un plaisir, c'est une vie. Et maintenant, je m'aperçois que c'est quelque chose d'épouvantable, d'abominable, et je ne lis plus pour mon plaisir. Et quand je dis plaisir, je ne dis pas divertissement, attention, c'est un jeu sérieux, le plaisir. Vous apportez de l'eau à mon moulin. Roger Vrigny, je crois qu'il y a une chose, c'est que vous êtes aussi tout de même critique, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas les livres que vous avez à lire. Malheureusement. Vous êtes un peu comme nous tous. Roger Grenier voulait ajouter quelque chose. Si Cabanis appelle un livre « Plaisir et lecture », je crois que c'est pour des raisons très précises et qui sont les mêmes raisons, dans le fond, en négatif, que celles qui font que Vrigny n'en peut plus lire. Cabanis vit en province, a un métier qui ne l'absorbe pas trop, n'exerce aucune fonction de critique et par conséquent peut lire uniquement les livres qui lui plaisent et qu'il a envie de lire. C'est pourquoi pour lui, la lecture est restée un plaisir. Pour Roger Vrigny, c'est l'inverse, il est obligé d'avaler tout ce que lui apporte chaque jour le facteur en service de presse. Oui, mais pourquoi ce qui nous est apporté par ce facteur est-il forcément ennuyeux? Pourquoi? La notion d'ennui est quelque chose de très très subjectif, vous croyez pas? Je crois que ce qui peut faire question, c'est la qualité de l'ennui. Mais je crois que à un certain niveau, et par rapport justement à ce que vous avez bien dit et vous distinguez par rapport au divertissement, je crois que dès qu'il y a une très très grande qualité, dès qu'il y a un chef-d'œuvre, il y a évidemment un certain ennui par rapport à ce qui serait pur divertissement. Alors, où ça devient très difficile, c'est de discerner cette sorte d'ennui qui est un plaisir. Il y a un ennui qui fait plaisir parce qu'il apporte quelque chose. C'est comme devant tout, comme devant un paysage. Exactement, si vous voulez, quand on est jeune, et moi, enfin, j'ai découvert Proust, j'avais, si vous voulez, 17-18 ans, je me suis tout de même appliqué certains soirs à reprendre chaque fois la page de Proust qui m'ennuyait, évidemment, mais au début. Sûr, et j'ai découvert le plaisir. Alors, vous avez donné la parole à Pierre-Henri Simon qui la réclame depuis longtemps. Donc, je voudrais d'abord dire, pour répondre à ce que avançait Luc Estan, oui, je suis bien d'accord avec lui. Il peut y avoir une certaine difficulté à distinguer qui est l'ennui, qui est la pénétration dans un monde nouveau et cependant valable, et l'autre ennui. Mais je serais tout de même porté à penser qu'il y a une manière d'ennui qui ne laisse pas de doute sur sa substance absolue d'ennui. Ah oui, ça, bien sûr. Bon, oui. Cela dit, je voudrais aussi répondre à ce que nous étions tout à l'heure par Vrigny. Bien sûr, nous sommes accablés de livres ennuyeux. Mais ce qui me frappe cette année, c'est que nous avons tout de même pu lire un certain nombre de romans qui ne sont pas ennuyeux. Je dirais par exemple, quoi qu'on puisse penser de sa valeur intrinsèque, c'est une autre affaire. Mais L'État sauvage, c'est pas un livre ennuyeux. Paris au mois d'août, c'est pas un livre ennuyeux. Et Le faussaire de Blanc, ça, c'est pas du tout un livre ennuyeux. François Nourricier. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu davantage de lectures, peut-être cette année, que les deux années précédentes. Mais vous faites quand même là allusion à des livres qui sont honorablement de la littérature de consommation et sans doute pas de la littérature de création. De sorte que nous nous trouvons devant un certain nombre de massifs comme cela. Il y a cette littérature de consommation dont le niveau moyen peut être plus ou moins satisfaisant, qui est assez satisfaisant cette année. Il y a la grande littérature de création dont nous allons forcément arriver à parler, bien qu'il ne s'agisse jamais de romans cette année. Je pense à Sartre ou à Simone de Beauvoir ou à Aragon. Et puis, il y a les gens qui prétendent tenir la création en main et qui, à notre avis, au fond, je crois, unanime, ne la tiennent pas, ne tiennent rien en main. Et c'est tout ce malentendu autour duquel nous tournons. Mais alors, vous faisiez tout à l'heure allusion à une nouvelle critique en face d'un nouveau style. Et c'est peut-être à cause de la passion et de l'habileté qui met cette nouvelle critique que nous finissons par être gêné, et je reprends mon expression, pour avoir mauvaise conscience, lorsque simplement nous n'aimons pas une certaine littérature que nous ne jugeons pas aimable. Mais oui, ils nous mettent dans une condition, ils nous mettent en condition, on a un complexe. Ils nous terrorisent. On a un complexe, n'est-ce pas ? Car on se dit, si je n'aime pas ça, si jamais je dis que je ne comprends pas, eh bien, on va me prendre pour un petit garçon qui aime mieux la comtesse de Ségur ou qui aime mieux les romans traditionnels. Et alors, à ce moment-là, on me ressort chaque fois les romans traditionnels qui sont les plus mauvais. Car c'est là où il y a aussi de la mauvaise foi de la part d'une certaine littérature que nous ne nommons pas, qui est celle du nouveau roman. C'est de nous opposer chaque fois des ouvrages d'une qualité artistique très moyenne en disant « Mais c'est ça que vous voulez écrire ?» Alors que ce n'est pas ça du tout, la vraie littérature. Nous savons très bien ce que c'est, la vraie littérature, parce que c'est très difficile à faire. C'est quelque chose de neuf, de nouveau, mais c'est pas forcément le nouveau. Vos romans. Je voudrais donner la parole à André Bourin qui nous entend depuis longtemps. Mais oui, je trouve qu'il y a quelqu'un à qui nous n'avons pas pensé depuis que nous parlons là, ou en tous les cas, son nom n'a pas été prononcé, c'est tout de même le public, c'est le lecteur moyen. Nous parlons des opinions des critiques, des complexes des critiques, des recherches théoriques du nouveau roman, des recherches de ceci, de cela, de l'immobilisme, de l'avant-garde, du nouveau style. Mais le monsieur ou la dame qui entre dans une librairie pour son plaisir, un plaisir noble, un plaisir de qualité, qui recherche un bon livre, eh bien, je crois tout de même que le critique, et à plus forte raison, les membres d'un jury, qui s'adressent à 100 000 personnes ou 200 000 personnes, les livres passant de main en main, comme on le sait, eh bien, ces gens-là devraient penser un peu plus aux lecteurs qui ne le font, et on a l'impression que les lecteurs, on s'en fiche complètement. Mais alors, c'est la littérature. Je ne suis pas en pleine démagogie. C'est absolument faux. Moi, je ne suis pas du tout. C'est pas aussi simple que ça. Mais c'est pas aussi simple que ça, mais il faudrait justement simplifier le problème. Or, plus nous en parlons, plus nous le compliquons, et plus ça devient un problème abstrait. Parce qu'il est compliqué. Mais il est complexe, mais il ne faut pas le compliquer. Et ouais. Par exemple, nous avons jusqu'à présent, à part l'intervention de Pierre-Henri Simon tout à l'heure, parlé en idée générale et dans l'abstraction. Nous étions là pour parler d'un certain nombre de romans qui n'avaient pas été mis en valeur, semble-t-il, parce que les prix les ont cachés. On sait bien qu'après les prix donnés, les autres livres passés sont oubliés. Bon, eh bien, nous avons parlé pendant je ne sais combien de minutes sans prononcer le nom d'un seul autre roman. Il y a tout d'un coup, tout de même, Pierre-Henri Simon qui a cité le nom de Hougron. C'est tout de même pas beaucoup, enfin. Ah, si, il a cité tout de même Faussaire, il a cité tout de même Mais le Faussaire a eu un prix. Je n'ai pas cité d'ailleurs celui que j'aurais voulu surtout citer, qui est Bourdiquel. Il me semble que le lac est un très bon roman. Alors parlons-en. Je cite Jean Hougron, histoire de Georges Gersan, chez Stock. Deux fois nommé, mais enfin pour moi c'est la première. Je parle du lac de Camille Bourniquel au seuil. Deux fois nommé aussi, mais enfin je m'en excuse, il était sur ma liste. Je parle du soleil de Palicorna de Peuchemort chez Lafont. Je parle des relations d'Anselme chez Lafont également. Moi je trouve que ce sont des livres très estimables. Est-ce que ce sont des livres assez inaperçus? Enfin, essayons de nous mettre d'accord, n'est-ce pas? Il faut bien distinguer entre le livre qui n'a pas de prix. Bon, si vous faisiez partie d'un jury, alors là. Je fais partie d'un jury. J'ai pu le voir, depuis que je fais partie de ce jury, beaucoup d'autres jurys déjà se constituer pour dire de quoi, vous allez voir ce que vous allez voir. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'ils retombaient inévitablement dans les mêmes eaux. Maintenant, c'est une affaire entendue. Tous les livres que la critique remarque, tous ces livres-là ne peuvent pas avoir le même prix. Oui, mais alors à ce moment-là, alors, ce qui me troublera, des jurys. Donc, ce qui me troublera, ce sera le cas, non pas d'un livre qui n'ait pas eu de prix, puisqu'il n'y a qu'un livre qui a un prix. Ce qui va me troubler, c'est le livre. Donc, avec un certain recul, on va me démontrer que c'était un chef-d'œuvre et qui est passé complètement inaperçu, et aux yeux de la critique, et aux yeux du public. Vous me dites « pensez au public ». On ne demande que ça de penser au public. Mais figurez-vous que quand vous appartenez à un jury, vous êtes pris entre deux soucis. un souci, bien sûr, c'est fait pour ça, c'est pour recommander au public un livre. Mais est-ce que vous allez recommander au public un livre vers lequel, normalement, le public doit aller spontanément? Parce que c'est ce que François Nourricier appelait tout à l'heure de la littérature de consommation. Je n'en fais pas une question de qualité, j'en fais une question de genre. Et tous les noms que vous avez nommés à l'instant, André Bourin, c'est pour moi, peut-être avec des nuances pour l'un ou l'autre, c'est de la littérature de consommation, beaucoup plus grave, beaucoup plus épineux. Et le problème pour le jury qui veut un livre qui arrive quand même à être assez consommable, c'est pas, mais qui marque quelque chose dans l'ordre d'une valeur littéraire théoriquement absolue. Il y a un livre qui n'est pas un roman. Le Joseph de Brice Parrain paraissait un livre plein d'intérêt. Oui, oui. Vous êtes bien d'accord? Absolument d'accord. Mais voilà l'exemple de livre. Est-ce que vraiment André Bourin, membre d'un jury, est-ce que vous connaissez que ce livre a une qualité? Et est-ce que vous allez penser au public en disant, est-ce que le public peut vraiment goûter ce livre? Moi, je vous dis d'avance que non, que le public ne peut pas goûter ce livre. Je crois que si. Et d'ailleurs, je remarque une chose, c'est que dès que nous prononçons le nom d'un livre autour de cette table, nous nous mettons tous d'accord en disant, en effet, c'est pas mal. En effet. Parce que nous sommes des critiques, nous ne sommes pas le public. Mais nous sommes des professionnels de la littérature et pas des professionnels de la librairie. Alors pourquoi toujours cette obsession de ce que va faire le public? Si dans un prix, on trouve que le roman de Brice Parrain est un beau roman, on le couronne sereinement. Ah, moi, on en vend ensuite 20 000. Vous êtes tourné vers le public et vous n'avez aucune Mais terreur. Je n'ai pas dit un mot, André Bourin a parlé du public, je n'ai pas prononcé le mot public. Ça m'est complètement égal. Si un roman est beau, qu'il soit lu par 10 000 personnes ou par 200 000, je m'en moque. Oui, l'essentiel, c'est qu'il soit beau. Pas de roman, tout le monde. C'est cela, de toute façon. Mais pourquoi être obsédé comme ça, comme nous le sommes depuis le début de la conversation, par les prix? Les prix n'ont aucune importance du point de vue de la littérature. Ils en ont du point de vue du métier du livre, c'est tout. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait des romans parus dans l'année. Jusqu'à présent, je n'ai entendu que des romans des derniers prix. Messieurs, vous êtes crépé le chignon à propos des prix, mais... Enfin, écoutez, à propos de terrorisme, enfin, moi je vois des romans que j'ai aimés parmi ceux que j'ai lus. Est-ce que vraiment j'étais sensible au terrorisme littéraire et critique en trouvant vraiment grand plaisir et grande qualité au Cavalier nu d'Edouard Pesson? Bien sûr, tout à l'heure, Nourricier, vous avez dit un mot exact. Nous sommes des professionnels de la littérature. C'est désolant. Et à cause d'un phénomène français, parce qu'il y a un phénomène français où il y a une république. Il y a un territoire littéraire. Non seulement on est des professionnels de la littérature, mais nous sommes des professionnels qui vivons sur un certain territoire qui est en gros, enfin, la rive gauche, Saint-Germain-des-Prés et ses alentours. Et il y a automatiquement une connivence ou une mise en alerte dont le public, et spécialement le public des provinces, se moque éperdument, et ça, nous le savons. Mais nous sommes un peu conditionnés par ça, et je crois que c'est honnête de le reconnaître. Je lis moins que vous, et alors j'ai peut-être plus de plaisir et plus de facilité à trouver mon plaisir. J'ai surtout beaucoup aimé le livre de Marie Susini, Les yeux fermés, qui m'a très profondément touchée. C'est aussi un style qui lui est très personnel. Je ne sais pas si c'est du nouveau style, mais en tout cas, il y a une recherche de poésie et de simplicité. Et cette histoire un peu dominée par la fatalité m'a vraiment atteinte. Et particulièrement Marie Susini. Oui, particulièrement. Alors, Roger Vrigny, vous qui lisez beaucoup. Je vais simplement vous livrer le plaisir que j'ai éprouvé, disons, en 3 après-midi et un week-end sur toute une année de lecture. Et ça compte, parce que justement, c'est rare. C'est La Rose de Noël, le recueil de nouvelles de René-Jean Clos, qui est passé complètement inaperçu, entre parenthèses, alors que René-Jean Clos a tout de même une position littéraire maintenant assez assise, connue surtout par ses pièces, mais enfin qui est un remarquable auteur. Les Jeux de la nuit de José Cabanis, parce que j'ai une dévotion particulière pour tout ce qu'écrit cet auteur. Mais je trouve que c'est sans doute l'un des meilleurs stylistes de la génération actuelle. Dessin sur un trottoir, le dernier roman de Robert Sabatier, qui m'a plu parce qu'il était dans une certaine mesure moins Sabatier pour moi. Ce que je n'aimais pas tellement chez Robert Sabatier, dont j'appréciais le talent, c'était, si vous voulez, son côté un peu populiste, un peu, enfin, naturaliste un peu noir, un peu grouillant. Là, ça m'a paru teinté d'une mélancolie, d'une chose poétique qui est à lui et qui m'a fait plaisir. Et enfin, La Bâtarde de Violette Leduc. Mais là, inutile d'en parler, parce que je crois qu'on en a suffisamment parlé. Alors, François Nourricier. J'ai envie de répéter, au fond, deux titres seulement qui ont été déjà cités et qui sont amusants parce qu'ils se situent à la frange de ce que remarquait tout à l'heure à la fois Bourin et Luc Estan, à la frange de la littérature de consommation et de la littérature de littérature. Enfin, c'est Les Relations de Daniel Anselme, qui je trouve un beau livre, un livre grave et très nourri. Enfin, c'est un livre très humain. Je fais exprès d'employer un mot un peu décrié. Et c'est le livre où on sent qu'il y a des années de vie passée au tamis. Et le roman de Camille Bourniquel, Le Lac, qui est un beau roman. Oui, c'est un beau roman. En fait, nos passions cette année, nous les avons tous réservées pour des non-romans, nous le savons bien. Le chef-d'œuvre des romans cette année sont Les Mots de Sartre, quoi. Ah, oui. Disons-le. Oui, alors, avant d'en arriver à ces livres-là, si vous voulez bien, Roger Grenier. Mais je ne sais pas, moi je crois que pour moi, le plus beau livre de l'année, c'est peut-être Le Ravissement de l'Holvestein de Marguerite Duras, dont personne n'a encore parlé ici. Et pourquoi? Et pour pourquoi cause. Et pour cause. Je déteste ça. Oui, mais on va ranimer justement. On disait que le nouveau style n'apportait jamais rien de créateur. Je crois qu'au contraire, là, c'est le démenti. Enfin, voilà un livre qui est une création continue. Et tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, pour moi, c'est sans doute le plus beau roman de l'année. Ensuite, Cabanis, mais enfin, Vrignan a déjà parlé. Les Jeux de la Nuit est un livre parfait. C'est un chapitre de plus, plutôt, à l'œuvre de Cabanis qui ne forme qu'un seul livre, dans mon idéo. À la façon dont je le comprends, tout au moins. Anselme a trouvé beaucoup d'avocats, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'en plus, c'est un livre remarquablement fait, habile, avec un métier très sûr et très, très agréable. Enfin, j'aime beaucoup le ton de la conversation d'Anselme. Et puis alors, je voudrais citer aussi un auteur qui n'est plus tout à fait un méconnu, ou plutôt une méconnue, puisqu'elle a obtenu une voix au Goncourt, c'est Henriette Jelinek et La Route du Whisky. Je crois qu'Henriette Jelinek est un auteur plein d'avenir. Jusqu'ici, enfin, au début, elle avait un admirateur qui était Raymond Queneau. Ensuite, elle en a eu deux, trois. Je crois que ça vient. Alors, André Bourin, vous ne connaissez pas de la rive gauche. Ah, moi, je ne sais pas du tout de la rive gauche. Pas du tout. Tout à l'heure, je me suis dressé intérieurement quand on a dit on vit tous autour du clocher de Saint-Germain-des-Prés. Moi, je ne vis pas du tout autour du clocher de Saint-Germain-des-Prés, ni physiquement, ni moralement. Non, je trouve que là, vous voyez, on a tout de même évoqué un certain nombre de titres sur lesquels nous sommes entièrement d'accord. On a parlé du Lac de Bourniquel, qui a obtenu tout de même pas mal d'approbation, Les Relations d'Anselme, il y avait Dessin sur un trottoir en effet de Sabatier, L'Histoire de Georges Garcin, eu moins de partisans, mais enfin moi je trouve que c'est un livre tout de même qui mérite d'être défendu, et encore une fois, je voudrais que ces livres soient plus connus du public, ne serait-ce que par respect du public, et pour le plaisir de ce public sur lequel je reviens, parce que quand on écrit, quand on publie un livre, c'est pour qu'il soit entre les mains du public. Bon, alors maintenant, tout le monde a dit que peut-être les meilleurs livres publiés cette année n'étaient pas des romans. Sûrement. Sûrement. Alors ça, je pense que tout d'abord, il faudrait citer ces livres, qui veut les citer. Moi, j'ai passé des mois avec Le Fou d'Elsa. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre qui unit à la fois la poésie, la vision historique, la vision humaine. Il me semble que Martine Cadieux vient de dire quelque chose d'important comme ça en trois mots en disant ce qui unit. Et en effet, s'il existe une issue, un chemin pour sortir de ces différentes impasses que nous avons évoquées sans arrêt dans notre conversation pour l'écrivain français, c'est peut-être un livre comme Le Fou d'Elsa qui indique la direction. C'est-à-dire un livre, au fond, qui réconcilie divers moyens d'expression. Quand on demande à Aragon s'il fait des vers libres ou des vers classiques, il dit « qu'est-ce que c'est que cette distinction ? Je ne comprends même pas ce que vous dites. » Et en effet, est-ce qu'il fait un roman historique quand il écrit La Semaine 5 et qu'il raconte les grèves dans la Roure pendant l'occupation française ? Est-ce que c'est un poème que Le Fou d'Elsa, ce qu'il va publier maintenant, est-ce que c'est vraiment un roman ? Je crois qu'on va arriver vers une sorte d'expression totale qui intégrera tous les apports différents. Et au fond, le drame, c'est de sentir une littérature enfermée dans une définition, alors qu'on sent tellement que la respiration et l'oxygène, ce serait d'ouvrir les portes et d'ouvrir les fenêtres. Et c'est pour ça que Le Fou d'Elsa est un des deux ou trois livres très importants de cette année, je crois. C'est aussi François Nourricier, parce que ce qui nous est offert comme produit romanesque ne satisfait absolument pas ce que nous attendons d'une littérature romanesque. J'ai grogné. Je vois quand même une évolution cette année, encore plus que les autres années, mais c'est François Nourricier qui devrait en parler plutôt que moi, puisqu'il a illustré lui-même par un livre. C'est de se débarrasser, ou de ne pas se charger, tout au moins, de cet énorme matériel romanesque qui est évidemment lourd et difficile, et de passer directement à la confession, à l'autobiographie, aux mémoires. Enfin, c'est ce qui arrive avec Nourricier ici présent, avec Sartre, avec Simone de Beauvoir, avec Violette Leduc. J'admets ça en tant que ça, mais c'est pour moi tout autre chose qu'un roman. Je ne suis ni pour ni contre, je constate la tendance. Oui, ben la tendance, alors la tendance, ça c'est affaire de tempérament. Je dois dire qu'alors que j'aime mieux celui-là qui va me faire sa confession, que je vais prendre pour ce qu'elle est, pour une confession, j'aime mieux ça que cette espèce de ruse, non pas, si vous voulez, la part autobiographique dans un roman, car je crois qu'elle est inévitable, mais qu'est-ce qu'on appelle l'autobiographie ? L'autobiographie, tous les romans sont autobiographiques dans la mesure où ils sont le reflet d'une vision du monde. Et il n'y aura pas à chercher si le personnage ressemble à l'auteur et si les aventures arrivées à un personnage sont des aventures de l'auteur. C'est pas ça que j'appelle l'autobiographie, ça. Alors, si on en est là, autant faire carrément une confession. Reste que par personne interposée, le personnage le plus différent de soi va être un moyen pour, théoriquement, l'auteur, au moins de mettre à nu certaines de ses virtualités et par conséquent de rejoindre ce qu'on a appelé le singulier universel. Bien, mais ça c'est une autre chose. En revanche, ce que je peux m'apercevoir comme lecteur, je ne parle pas comme critique, sinon avec une espèce d'agacement professionnel, c'est l'acte d'écrire pris comme une fin en soi et où on voit un auteur qui devant le monde entier dit que lui, auteur, est ce personnage enfin vraiment exceptionnel auquel tout le monde entier doit être suspendu et qui va écrire, peu importe ce qu'il écrit, ce qui compte c'est qu'il écrive. Alors là je dois dire que je suis absolument contre, mais viscéralement contre, ce que j'appelle la littérature de nombrilettes. Nous devrions tout de même tirer une conclusion de notre débat. Voyons, Roger Vrigny. Ça sera une conclusion, comme dirait Luc Estan, un petit peu viscérale que je donnerai, car c'est la peur que j'éprouve. J'ai effectivement dressé des listes de livres parmi ceux que j'ai lus cette année. La liste qui comprend le plaisir, disons, est extrêmement brève et j'ai une très longue liste de livres que j'ai appelés particulièrement obscurs ou ennuyeux. Alors je crois qu'il faut veiller, à lutter contre cela. Et pour moi, c'est la bête. Bon, c'est Roger peut-être, Vanier. Mais ça sera un autre sujet de débat, ou le sujet d'un autre débat, parce que nous sommes entrés dans une littérature de professeurs, et comme disait Madame de Chateaubriand à propos de Fontaine, l'ennui n'a quitté un jour de l'université. Martine Tadieu. Non, moi, je suis beaucoup plus optimiste. Je trouve que dans une année, quand il y a un livre comme Le Fou d'Elsa, comme Les Mots, comme le livre de Violette Le Duc, c'est une belle année. André Bourin. Belle année, année moyenne, année moyenne. Luc Estan. Bilan littéraire toujours provisoire. Et vous, François Lorichier. Vous verrez dans 10 ans que quand vous penserez aux mots ou au Fou d'Elsa ou à Marguerite Duras ou à Simone de Beauvoir, vous ne penserez peut-être pas à année moyenne. Parce qu'au fond, il se trouve que plusieurs des grands écrivains français ont publié cette année. Et peu importe l'année 64 en tant que telle, il se trouve que plusieurs grands écrivains ont publié dans leur œuvre quelque chose en 64, c'est tout ce qu'on peut dire. Avec François Nourricier, Roger Vrigny, André Bourin, Martine Cadieux, Pierre-Henri Simon, Roger Grenier et Luc Estan, Pierre Barbier vous a présenté La Tribune des Critiques. Aujourd'hui, bilan de l'activité romanesque en 1964. Réalisation Pierre Barbier. C'était les années 60, aujourd'hui 1964, quatrième émission, Archivina, Hervé Evano. Réalisation Virginie Mourté, une émission de Philippe Garbi, à suivre et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédents épisodes de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.